Bonjour à tous. Aujourd'hui, une tatin d'endives pour 4 personnes. 1 kg d'endives moyenne, 2 cuillères à soupe de cassonade, 100 g de beurre, 2 échalotes hachées, 1 cuillère à soupe de curry. Pour la pâte brisée, 250 g de farine, 125 g de beurre, 12 cl d'eau froide et du sel. Faire revenir les endives entières avec les échalotes dans 80 g de beurre, 15 minutes environ. Saupoudrer de curry et assaisonner. Mettre la cassonade avec 20 g de beurre dans un moule à manquer et déposer les endives dessus. Couvrir avec la pâte, cuire à four chaud 180 degrés, 40 minutes environ. Démouler la tarte une fois tiède. On peut rajouter un peu de roquefort ou de noix lors du montage de la tarte. Une boisson conseillée, une bière ambrée à boire avec modération.